dis moins le quart. Ça y est, je suis en retard. Delphine. Oui. Tu vas chercher Boubou? Oh, tu veux pas y aller? Bah, j'y reste après-midi. Oh, je peux pas sortir avec ça. Oh, puis si. Oh, puis non. J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais. Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Je ne sais pas, me voir. Oh, bah, il attendra. Tu rentres déjeuner? Oui, mais pas avant une heure. Qu'est-ce que j'ai fait de mon poudrier? Ah non, je vais. Joie du violoncelle, de la trompette ou du banjo, même la ritournelle, les calembours et les bonbons, du plan dans la cervelle, de la fantaisie à bobo, nous sommes sœurs jumelles, mais sous le signe des gémeaux. Françoise d'Orléac, Catherine Deneuve, Les Demoiselles de Rochefort, musique de Michel Legrand, bien sûr, c'était la chanson des jumelles. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première bande-annonce. C'est un nouveau film, c'est un remake, vous vous souvenez certainement du film de Catherine Bigelow, Point Break Extreme Limit avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Et bien voici une nouvelle version de Point Break, réalisée par Erickson Corr. Les acteurs principaux sont Edgar Ramirez, Luke Bracey et Ray Winstone. Pour ce qui est des deux premiers, on ne les connaît pas encore. Peut-être que ce film va nous aider à les connaître. On va écouter la bande-annonce du film. Et puis juste après, c'est le groupe MRKTS avec le morceau « Do You Wanna ?» À quel genre d'individu sommes-nous confrontés ? Un groupe de criminels aux capacités inhabituelles. Utah, je veux une piste. Alors pourquoi ne pas ouvrir votre parachute au-dessus de la jungle et fuir comme tout le monde le ferait? Parce que je me dis qu'ils ne sont pas comme tout le monde, monsieur. Les auteurs de ces braquages sont des sportifs de l'extrême. Ils utilisent leurs compétences pour déstabiliser la finance internationale. Et dans l'action, ils n'hésitent pas à tuer. On m'appelle Buddy. Il y a quelques milliards de dollars en or là en bas. Vous allez le voler? Non, on va le libérer. Maintenant, montre-moi de quel côté tu es. Génie criminel. C'est que des mômes qui jouent avec leur vie. On peut les avoir. Il me faut plus de temps. La seule vraie loi est celle de la pesanteur. Yeah. En 1955, un film de Jean Delannoy, Chien perdu sans collier, très beau film avec Jean Gabin, dans lequel on retrouvait également Robert Dalban. Chien perdu sans collier, la musique signée Paul Misraki. Nous allons maintenant dans les années 80 avec Leonard Nimoy, William Shatner, les héros de Star Trek, la première série qui a donné dans les années 80 une série cinéma. Le film réalisé par William Shatner, Star Trek V, l'ultime frontière, il y en avait déjà eu un réalisé par Leonard Nimoy, Star Trek V, l'ultime frontière, on va écouter la bande-annonce, et ensuite un extrait de la musique qui était signé Jerry Goldsmith, et puis juste après, on y restera dans les années 80 avec un film avec Michael J. Fox. From a relaxing vacation on Earth. Greetings, Captain. I do not think you realize the gravity of your situation. To the most perilous reaches of space. Only one crew dare travel where no man has ever gone before. We'll need all the power you can muster, mister. On a desolate planet, a renegade Vulcan seeks ultimate knowledge. To find it, we'll need a starship. And he will stop at nothing to get it. I dreamt that a madman had taken over the Enterprise. You look like you've just seen a ghost. Perhaps I have, Captain. Our destination is the planet Sha'Kari, Eden, at the center of the galaxy. The center of the galaxy can't be reached. If you ask me, and you haven't, I think this is a terrible idea. We're bound to bump into the Klingons. Remain on course. To Kirk. He's a fanatic to be fought. You know we'll never make it through the Great Barrier. I say the danger is an illusion. To the crew. He's a mystic to be followed. Cyborg has simply put us in touch with feelings that we've always been. I have to get back to the transporter. To Spock. He's the past he must confront. Shoot him! You know. Spock, my only concern is getting the ship back. And you're either with me or you're not. Put him in the brig with Captain Kirk. I'm a prisoner on my own ship. What are you standing around for? Do you not know a jailbreak when you see one? Mr. Scott, you're amazing. There's nothing amazing about it. I know this ship like the back of my hand. Emergency channel open. A hostile force has taken control of our vessel. Put us on a direct course with the Great Barrier. Understood, Enterprise. We are dispatching a rescue ship immediately. Kirk! Bird of Prey bearing 105, Mark 2. Let me do something. Mr. Sulu, full ahead. Transfer power to warp drive. Warp speed now. The greatest Enterprise of all is adventure. Star Trek V, The Final Frontier. Thank you. En 1986, derrière le succès de Retour vers le futur, Michael J. Fox jouait dans Le secret de mon succès, un film de Herbert Ross dont la musique était signée David Foster. On vient d'entendre le morceau Water Fountain, extrait du secret de mon succès. La même année que Le secret de mon succès sortait un film de Costa Gavras, Conseil de famille, un film qui réunissait à l'écran Fanny Ardant, Guy Marchand et surtout la vedette du film Johnny Hallyday, un film un petit peu de gangster qui nous présente une famille unie, le père, la mère, les deux enfants et le fidèle ami Faucon, qui exerce une profession lucrative bien que dangereuse, perceur de coffres. Un jour, le jeune fils François exige d'accompagner les hommes sur le chantier et c'est là que tout va basculer. Avant d'entendre un extrait de la musique du conseil de famille qui était signé Georges Delerue, je vous propose d'écouter un reportage sur le tournage du film où l'on entend Costa Gavras, le réalisateur, mais aussi Johnny Hallyday et Guy Marchand. On va se rendre sur le tournage de Conseil de famille et juste après, nous aurons la très belle musique de Georges Delerue. J'ai pensé quand je l'écrivais, c'était une famille des crocodiles qui descendaient une rivière et qu'ils avaient sur eux, l'un des deux, une sorte d'oiseau exotique qui est Fanny Ardant, et que chaque fois qu'il déviait d'un côté ou de l'autre, hop, elle tapait un peu sur la tête et il rectifiait la ligne et il suivait. Moi, je me sens un peu comme ça aussi. Je me sens très crocodile avec un oiseau sur le dos. Je pense même que je n'aurais jamais écrit utiliser des enfants si je n'avais pas des enfants moi-même. Parce que les petites choses que disent les enfants, probablement, viennent de phrases que j'ai vécues avec mes enfants. L'histoire est racontée du point de vue d'un petit garçon. Alors j'ai l'impression que pour les enfants, les parents, et encore plus la mère, surprend toujours. Elle n'est jamais là où on l'attend. Elle a des zones d'ombre. On ne comprend pas tout. Je suis nul. Je savais pas planter un clou. Non, non. Ah non, non, c'est vrai, je me tape sur les doigts, c'est terrible. Je suis très, très, très maladroit. Là, maintenant, il y a la magie du cinéma qui fait rêver, qui fait penser qu'on est capable d'ouvrir des coffres. Moi, j'ai un coffre chez moi, souvent, je n'arrive pas à l'ouvrir. Vous oubliez la combinaison. J'oublie, oui, ça. C'est un film très... Il est très différent de tous les autres films que j'ai pu voir, que ce soit de Costa ou d'autres metteurs en scène. C'est un film très, très personnel. Et ça a été très agréable de jouer ça. Thank you. Magnifique musique de Max Steiner pour le film Morning Glory de Lowell Sherman. C'était en 1933 avec Katharine Hepburn et Douglas Fairbanks Jr. On va aller maintenant en 1977 dans un univers d'épouvante et d'horreur avec le maître Wes Craven qui nous a quitté l'année dernière, La colline à des yeux, un film qui a d'ailleurs été refait, il y a eu un remake réalisé par Alexandre Aja il y a quelques années. 1977, La colline à des yeux avec Suzanne Lanier, Robert Houston et Martin Speer. On va écouter la bande-annonce du film histoire de frissonner en version originale et puis juste après on aura un extrait de la musique qui était signé Don Peake. They wanted to see something different, but something different saw them first. The hills have eyes. Mister, don't take your family back in that area. The silver has been gone for 40 years now. There's nothing back in there but animals. A lot. The old creep told you not to get off the road. What began as a vacation ended as a nightmare. Don't be hell to pay now. What the hell was that? What the world was all about. But nothing prepared her for this. The hills have eyes. Oh, you're going with my baby. Yeah, that way, Dick. A mother fighting for her child loses it in the worst possible way. I come back for you later, girlie. Why are you doing this? The story of an American family who lost everything except the will to survive. Murdered, raped, burned, but not beaten. Have eyes. The story of one family's refusal to die. I'm gonna get those animals. It's working! No! The hills have eyes. The most shocking, terrifying film you will ever see by Wes Craven, writer and director of The Last House on the Left. The hills have eyes. The lucky ones died first. Thank you. du lyrisme et de la rigolade dans Toiles et Sillons, puisque nous avons eu un extrait de la musique d'Horizon Lointain, le film de Ron Howard, sorti en 1992, où il y avait le couple, enfin qui était un couple à l'époque, Tom Cruise et Nicole Kidman. Et puis à l'instant, c'était Elmer Bernstein avec Richard Hazard pour la musique de Y a-t-il un pilote dans l'avion 2, qui s'appelait en fait Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion, qui était réalisé par Ken Finkelman, pardon, c'était en 1983. Nous arrivons à la fin de ce Toiles et Sillons, gentiment, tout doucement. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. On va se retrouver très vite pour un nouveau Toiles et Sillons, mais votre soif insatiable de musique de film vous conduira certainement vers le site internet toilesetsillons.fr. Vous pourrez retrouver toutes les anciennes émissions à écouter sur place ou à emporter. Vous pouvez les télécharger et vous abonner au podcast pour les emmener partout avec vous. La page Facebook Toiles et Sillons, vous cliquez sur j'aime et toutes les semaines, vous êtes tenu au courant de ce qui se passe. On se quitte avec une nouveauté, un film plutôt pour les jeunes, La cinquième vague. On va écouter la bande-annonce du film, film réalisé par, je vais vous le dire tout de suite dès que j'aurai retrouvé ma fiche, J. Blakeson, avec Chloé Grace Moretz, bien sûr, et Nick Robinson. On va écouter après la musique qui est signée Henry Jackman, et on se quittera sur le thème d'amour de La folie des grandeurs de Gérard Oury, musique signée Michel Polnareff. À très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Pose ton arme. Et toi d'abord. Pose-la. Je sais que t'es humaine. Tu le sais comment? Si t'étais l'un d'eux, t'aurais pas attendu pour me liquider. À 1h07, le satellite Odyssée a enregistré les images d'un objet inconnu passant devant Mars. Il s'est arrêté à 400 km au-dessus de la Terre et est actuellement en orbite autour de notre planète. Nous les avons appelés les autres. Qu'est-ce qu'ils veulent? La Terre. C'est pour ça qu'ils sont là, Cassie. Ils ont besoin de la Terre. D'abord, ils nous ont coupé l'électricité, précipitant le monde dans le chaos. Ensuite, ils nous ont enlevé nos villes, en dévastant tout. Après, ils nous ont enlevé la vie. Avec un virus aéroporté inguérissable. Pire que tout, ils nous ont enlevé le contrôle. Les autres étaient déjà parmi nous à exterminer tous les survivants. Les autres se préparent pour la cinquième vague. Ils sont capables de se loger dans des êtres humains et de commander leurs actions. Ils sont semblables à nous. On fait quoi maintenant? On veille l'un sur l'autre. On ne peut plus faire confiance à personne. Comment peut-on combattre les autres si on ne sait pas les reconnaître? T'étais pas prêt pour la fin du monde. Je dois aller chercher mon frère. Je vais t'y conduire. Tu ne sais absolument rien de lui. Les autres ont emmené Sam, et je vais aller le chercher. Nous subissons des attaques simultanées sur les dernières agglomérations. Si la cinquième vague réussit, l'humanité sera rayée de la surface du globe. Les autres considèrent notre espoir comme une faiblesse. Ils ont tort. La Terre est à nous. Ils n'en seront pas maîtres.